I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salutations et bienvenue à ce 64e rendez-vous de Subversion, édition du 23 décembre 2016. Je suis Sylvain Latour, RSDJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30 sur Underground Québec Radio, et ce, en compagnie de nos amis Michel Monette, Mike TMG et Wayne Archibald, avec qui on s'est réunis pour un spécial Metal for Breakfast de Noël, une deuxième édition, un dixième déjeuner Metal for Breakfast, mais une deuxième édition spéciale Noël, évidemment, puisque l'an dernier, on s'était réunis, moi et Mike, pour parler des de ce qu'on avait appelé le top 44, top of the crap, le meilleur du moins pire, ou le pire du meilleur du métal, en tout cas, des albums à ne pas offrir pour Noël. C'est proche. Bref, cette année, on poursuit la thématique concert mémorable. Donc, un partout pour les spectacles de heavy metal qui nous ont marqué depuis plusieurs décennies déjà. Parce qu'on est rendu vieux, assez vieux pour parler de plusieurs décennies. Oui, parce que moi et Mike, on en avait parlé. Justement, on avait débuté cette thématique chez Larry dans l'est de Montréal. Alors, une fois de plus, nous sommes réunis avec Wayne cette fois pour un autre rendez-vous dans un restaurant dans l'est de Montréal. Et comme vous avez pu remarquer, on favorise souvent l'est. Hein? Alors, c'est à l'est que ça se passe pour les déjeuners métal. Bref, pourquoi pas se transporter tout de suite dans ce restaurant chez Jarry Smoke Meat, où nous avons une table attitrée. Oui, la madame a eu la gentillesse de nous amener à cette table spécialement pour nous, pour qu'on fasse ce recording avec Mike et Wayne. Metal for Breakfast avec Mike TMG et Wayne Archibald. Metal for breakfast. They don't need to make themselves miserable. To celebrate the miracle of the Lamb Jesus. They don't need to make themselves miserable. To celebrate the miracle of the Lamb Jesus. it. Fuck off. Die. Alors, nous voici réunis encore une fois chez Jerry Smoke Meat dans l'Est pour un 10e Metal for Breakfast dans l'histoire de Subversion. Pour ce 64e rendez-vous Subversion. En compagnie de deux amis que ben, je suis bien content de voir réunis ici à la même table avec moi. Et je parle de, ben, premièrement, un habitué du Metal for Breakfast. Je pense que c'est son 7e. Hein? Notre ami Mike, TMG, Michel Monette, salut. Bonjour, collègues et amateurs et amis. Je pense qu'il est trop à l'aise. Son 7e, là, il est trop à l'aise des déjeuners. Il est free for all, man. Ouais, là, c'est une routine pour moi. OK. et certains d'entre vous ont probablement reconnu Wayne Archibald, que voici. Yeah! Hello! Mon ami Dennis Barth. Oui. The Aggression. Donc aujourd'hui, on peut le considérer comme un breakfast de Noël. Ça va être diffusé en date du 23 décembre. Concert mémorable, deuxième partie. Il faut savoir que, ben, pour ceux qui n'ont pas entendu le premier, moi et Mike, on s'était réunis chez Larry dans l'Est de Montréal pour jaser de nos concerts les plus marquants, point de vue personnel. Pour nommer des bands qu'on avait fait jouer pour l'occasion. On parle d'Aggression, justement. Hein? Ah, c'est ça, hein? Oui. Je savais. Ainsi que Metallica, Oblivion, Kiss, SOD, ainsi que Napalm Death, Cannibal Corpse, Nirvana, entre autres. Alors, il y a neuf autres formations, finalement, qui nous ont marqués par leurs concerts dans le passé. On parle de 1981 jusqu'à aujourd'hui, finalement, hein? On va en rejaser plus en détail pour se mettre dans l'ambiance. On va y aller tout de suite avec une pièce de Anvil. Parce que j'ai vu Anvil en 1984 à Rouyn-Noranda, au fameux Forum de Rouyn qui est devenu l'aréna Jacques Laperrière. C'était mon premier concert dans un aréna, Anvil. Je vous en reparle plus en détail. Après cette pièce, Jack Hammer de l'album Metal on Metal, leur deuxième. Hein. Alors, tout de suite. Anvil et Subversion sur Underground Québec Radio. Yeah! Lips. Ooh! Jack Hammer, c'était vite, hein? Oui, oui, c'était assez. Oui. Rob, il oui, c'est Jack Hammer qu'on a entendu de cet album Metal on Metal de Anvil, ce groupe de Toronto formé en 1981. Oui, avec le super drumming de Rob Reiner que Wayne faisait mention, justement, très efficace. Il y a un drummer, je dirais, référence à l'époque. Hein. Il y a beaucoup de personnages, des batteurs très connus dans le thrash metal qui ont cité Rob Reiner à leur début comme une grande influence, évidemment. Ben, faut savoir que l'album Metal on Metal est sorti le 15 avril 1982. Il avait travaillé avec Chris Tangarides, 60 ans aujourd'hui, le monsieur. Il avait travaillé aussi avec sur Forge and Fire et plus tard, ils y sont retournés en 2007 pour cet album This Is 13, hein, qui était un cauchemar à produire, ça, d'après ce qu'on a pu voir dans un certain documentaire. Par contre, Chris Tangarides a aussi travaillé sur l'album Painkiller. Voilà. Ah oui. Genre. Thin Lizzy Cold Sweat. Et aussi, oui. Oui. Thunder and Lightning album. Oui. Et puis t'es gravement malade, Chris. Sangaridis, je pense que tu prononces ça. Sangaridis. Ouais, j'ai jamais su le prononcer comme faux, finalement. Je pense que tu prononces pas le T, Sangaridis. Tu pensais ça. Ben, c'est grec, ça. Ah, ça se peut. Je pense que oui. Ouais. On dirait un drink. Ouais. Prendre le Sangaridis. C'est vrai. Un drink du well, ça. Ouais. Alors, ben oui, Anvil, pourquoi j'ai choisi Anvil, comme je mentionnais en début d'émission, c'est que ils ont passé, de façon improbable, je dirais à l'époque, c'est super heavy, Anvil, faut savoir, au printemps 84, là, et puis, ouais, avec un PA, écoute, incroyable, là, pour la place, là, même pour un arena, c'était excessivement Anvil, fort. Anvil, c'était un four-piece dans le temps, oui, ça rockait encore plus, ouais. J'ai vu cette année, là, Arne Pryor, Ontario, puis c'est un three-piece dans une petite place, ça marche. Ouais. Mais dans le temps des années 80, au Mascador, puis à Québec, puis à Abitibi, four-piece, là, ça rock. Ouais. Et puis Dave Allison, là, ouais. Il était le petit second guitar, mais c'était un bon band, c'était, ouais. Ça rockait dans ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. Il y avait Dave Allison, okay. Les second guitars. Le blond et David Ellison. Mais c'était vraiment bon dans Timeville, puis c'était comme le band que nous autres en Jonquière on tripait dessus. Mm-hmm. Je sais que les gars de Voivod y aimaient ça. Toutes les bandes, tout le monde allait les voir, puis Anvil was the band dans le temps. Puis toi, tu les as vus au bon moment quand ils étaient fall, puis my god, c'était bon. Ah, oui. C'est encore bon aujourd'hui à écouter. Ouais. Ouais. Les premiers albums, là, ça sort encore bien. Là. Absolument. Ouais. Surtout Metal on Metal, l'album, là. Wow, c'est incroyable. Ouais, justement, à ce moment-là, Forge and Fire est encore assez frais dans nos mémoires, puis c'était... ben, nous autres, on était direct en avant, il faut dire, là, c'était vraiment in your face, là. Lips, il était survolté, c'est un cliché, là, mais c'était littéralement ça, là. Même les rares photos qu'on avait prises, on le voyait, là. On voyait le dentier au complet, les yeux qui sortaient de l'orbite, là, c'était comme... Wow! Puis là, je sens ben trop fort, parce que je mentionne comme ça... Moi, je me souviens que les oreilles ont scellé dans l'autobus scolaire là, pendant une semaine de temps. Ouais. Une semaine, pas de joke. Je pense que c'est le même temps qu'ils ont joué au Palais des Sports à Jonquière, puis il y avait 11 personnes. Ah oui. Yep. Je pense que c'est dans ces mêmes années-là. Je ne suis pas sûr si c'est cette année-là. Là. Oui. Puis il y avait 11 personnes. Si je ne me trompe pas. Carré, c'est pas beaucoup. Hein? Non. Dans une arena. Ouais. Nope. Ils sont revenus à Val-d'Or, au Ritz, l'année suivante. Moi, j'y étais pas et je le savais pas non plus parce qu'il n'y avait pas d'affiche à Rouen ou pratiquement jamais d'affiche pour les shows des bandes qui venaient à Val-d'Or. Bref, ben ouais, c'était ça pour Anvil. C'est comme tu dis, on les avait vus au bon moment. Mm. On en conserve un souvenir vraiment impérissable. Que dire de plus? Oui, ouais. Exactement. Bien important, la date du show d'Anvil au Forum, c'est le 31 mai 1984. Forum à Abitibi. Oui. Qui est devenu l'aréna Jacques Laperrière, qui était voisin du fameux Jacques Laperrière Baseball Park que Cannibal Corpse sont venus jouer en 2000, ah, Festival Prix-Wog. Ouais. Jacques Laperrière, le joueur de hockey. Le joueur de hockey, Baseball Park. Ouais. Okay. Ouais. Okay, puis on bâtit l'aréna Régent Houle, le voisin de l'aréna. Ah oui? Ouais. Ouais. Black Sabbath avec Motorhead et Morbid Angel, wow, gros spectacle au Metropolis le 12 février 1994. Et Mike, toi, tu y étais. Oui, effectivement. Mais pour ce qui est de Morbid Angel, on sait qu'en 94, c'était la tournée Covenant. Fait qu'ils ont fait la tournée Covenant en trio, donc Trey, David et Pete. Mais ce spectacle-là, c'était comme un peu un sort de retour. Il y avait Richard Brunel qui était revenu à la deuxième guitare, parce que Eric Rutan avait fait la tournée Covenant en 93, au Spectrum, cependant, avec Creator et Paradise Lost. Fait que là, Morbid Angel ont comme recommencé un peu en bas d'échelle, faire l'ouverture de gros bands comme Motörhead et Black Sabbath. Pour ce qui est de Motörhead, ils étaient dans leur tournée, l'album Bastard, en 94, avec les pièces comme Burner et l'autre là, que j'ai écouté un matin, que j'ai un blanc de mémoire, désolé. En tout cas, c'était une des pièces que tiré de la trame sonore du film Airhead, je me rappelle bien. Et Black Sabbath en 94, on se rappelle qu'en 90, ils étaient revenus avec Dio, en 91, pour l'album Dehumanizer. Et puis, ironiquement, dans la tournée Cross Purposes, l'album 94 qu'on va écouter dans quelques secondes, il y avait une grande toile en arrière, puis il y avait des croix dedans, avec, c'était comme un cimetière. Et sur chacune des pierres tombales, je me rappelle très bien, il était marqué 1, Ozzy, 2, Dio, puis 3, ben, y en avait une qui était libre. Bref, ils sont revenus avec Tony Martin. Fait que Tony Martin a toujours été là pour backer Tony Iommi, pour avoir un groupe fonctionnel. Bref, c'était le retour de Tony Martin sur l'album Cross Purposes qu'on va entendre dans les prochaines secondes. Moi, je t'ai trouvé une version live au Hammersmith, ouais, qui sonne très bien. Ouais, mais je t'ai fait la surprise, c'est Noël. Enchaîne. Parfait. OK. Et ça va être dans la séquence qu'on va entendre. Où on entendra également UFO, un band qu'on sait que Wayne affectionne particulièrement, aussi pour le guitariste Michael Schenker, évidemment. UFO, toi, tu les as vus à New York, si je me trompe pas? Oui, à Poughkeepsie, New York. Mais c'est avec Vinnie Moore, c'est ça, parce que dans le temps, j'ai pas eu de chance de les voir, là, puis... En restant Jonquière, c'est ça qui passait pas au Masque d'Or UFO. Mais c'est seul les voir la couple d'années. Puis même si c'était Vinnie Moore, là, quand les chansons, les classiques de UFO commençaient avec Phil Moog on vocal, là, c'était incroyable. Je headbangais du début à la fin, sauf une tune que je connaissais pas trop. Mais c'était tellement bon, tous les vieux classiques. Ils ont pas joué Lights Out, je sais pas pourquoi. Mais tout le reste, là, c'était écœurant. Puis ça, c'est un show mémorable pour moi parce que j'ai toujours voulu voir ou entendre le UFO live. Puis la voix, là, ça, même si Schenker était pas là, ça marchait très, très bien. C'était très cool. Puis oui, il était pas là, il avait pas le droit de rentrer au US, au Canada, en bass. Ouais. Donc il y avait un bassman de Dawkins, je pense, qui remplaçait. Okay. Mais il y avait Andy Parker sur les drums, puis Andy, oh man, le clavieriste, puis Paul, quelque chose, Paul, ah, ouais, c'est lui. Paul. Puis c'était au moins tout original quand même qui était dans le band, puis c'était bon. Tellement bon. Ouais. Ça, c'est pour ça que c'est un show mémorable pour moi. J'en ai vu beaucoup de shows quand même. Ouais. J'aurais pu nommer Doro, j'aurais pu Accept à Ottawa, mais Warlock, je veux dire. Ouais. Mais UFO, là, c'est parce que c'est des vieux de la vieille, puis entendre Phil Moog live, là. Wow, c'était incroyable. Vraiment le feeling, j'écoute du UFO, là, genre, ça me retourne à chaud, là, puis même ça commençait à 1h du matin, il y avait 6 bands qui ouvraient pour eux autres, là. C'était long, hein. Puis j'étais fatigué, hein. On était 4 amis de Montréal qui sont descendus, puis mais c'était, ça valait la peine. Donc, je pense qu'on va écouter Rock Bottom sur ton The Tower of Death show. C'est exactement ça. Une version live en 1981. Ça, c'était avec Schenker. Là. Au Rock Palace live à Hambourg. Donc, c'est ça qu'on s'en va entendre dans notre prochain bloc. Black Sabbath, Psychophobia live, ainsi que Michael Schenker Group dans leur version de Rock Bottom de UFO live en 1981 à Hambourg. La subversion sur Underground Québec Radio. Jealousy. avec Exciter, Heavy Metal Maniac. Je pensais que tu détestais ce groupe-là. Non, j'aime beaucoup Exciter. Ah ouais? Ouais, arrête de penser des choses qui n'existent pas, là. Tu vois des complots partout. Moi, j'ai peut-être tendance à préférer Violence in Force. Ouais? Ouais. Hein? Mais mon préféré, ça va toujours rester Heavy Metal Maniac. Ben, il est bon, il est bon. Heavy Metal Maniac. Oui, c'est ça, Alain, chante encore. Heavy Metal Maniac. Heavy Metal Maniac. Ouais, mais moi, j'aime ça, il y a... Maniac. Live chez Jerry Smoke Me dans l'Est de Montréal pour ce déjeuner concert mémorable part 2 avec nos amis Mike TMG et Wayne Archibald ici présents. Et puis ben on a entendu un choix de Mike de un de ses concerts mémorables Black Sabbath avec Psychophobia. On a entendu une version live au Hammersmith à Londres en 1994. C'est avec Tony Martin. Ah ouais. Oui. Peter Gauthier de Québec va être content. Ah ben oui. Un gros fan de Tony Martin. C'est-tu Monsieur 5$ ça? Monsieur 5$. Exactement. Je voulais faire mention qu'on a ici sur la table, en page fond 6 pistes d'un vieux magazine britannique hein, en 1983, en février, Kerrang Magazine, avec le créateur, Tony Iommi, lui-même. Hein? Le gaucher estropié. Puis c'était précédé évidemment de Rock Bottom de UFO version Michael Schenker Group, un concert qui avait été diffusé à la télé allemande en 1981. Très bonne version avec nul autre que Michael Schenker, guitariste très influent. Michael Schenker en passant, parce qu'on va parler de Uli John Roth aussi, je regardais ça, ils sont juste nés à 3 semaines de différence. Hein? Oui, en fait, de ce que je constate ici, ça va être la fête à Yuli C'est-tu aujourd'hui? Quelle date sommes-nous? On n'est pas le 23, t'es en différé, c'est pour ça. On est le 16, on est le 17. Donc demain, ce sera l'anniversaire. Demain pour nous en ce moment, mais en début de semaine. Demain sera l'anniversaire de Uli Roth, né en 1954 à Düsseldorf. Trois semaines de différence avec notre ami Michael Schenker, qui lui, est né le 10 janvier 1955. Qu'est-ce qui s'en vient? On va entendre justement Uli John Roth, ainsi que Pant, qui est un choix de Wayne. Pantera, un choix de Mike, et Martyr, le band Trifluvien, que j'ai choisi parce que, bon, c'est Martyr, c'est un band qui m'a beaucoup frappé dès la première prestation que j'ai vue d'eux autres, qui était venu à Rouen en juillet 99, alors que j'étais justement DJ Tower of Dead dans les concerts de la THC Productions à l'époque. La fameuse scène Paramount à Rouen sur rue Gamble. J'avais écouté au Place Hopes rapidement dans un poste d'écoute chez un disquaire. J'avais trouvé ça comme cool, correct. J'ai dit, je vais y retourner à un moment donné. Puis, j'avais pas vu le band live encore. Puis ça a été un choc de voir à quel point ce band-là était efficace. De voir Dan Mongrain pour la première fois, de penser que c'était un vieux routier du métal, alors qu'il avait juste comme 22, 23 ans à ce moment-là, ou 21 ans même. J'en venais même pas. Il avait l'air d'un musicien d'expérience. Il avait fait 15 ans de tournée. Puis ça n'avait aucun sens. Le showmanship, puis le band, le tightness du band, là, c'est tout à fait incroyable. Tout en leur honneur pour un band du Québec qui si vous voulez, un peu des fiers, des fiers héritiers, je dirais, de bands comme Oblivion, Voivode, et même à l'étranger, Forbidden. Bref... Quel talent, c'est Dan Mongrain. C'est incroyable. Quel performer, quel guitariste, puis quel gentil gars. Il est tellement smart. Puis quel fait pour Voivode aussi. C'est incroyable. Je le connaissais pas avant Voivode. C'est écœurant, ce gars-là. Puis, le concert mémorable en tant que tel, j'en aurais pu en choisir 3-4, dont celui-là. Mais c'est principalement le lancement de Warp Zone au Fofos électrique le 5 mai 2000. J'étais venu pour faire la à Montréal à ce moment-là, puis je restais encore en Abitibi pour faire la couverture de ce concert. C'était avec Spellbound, puis Goo Lunatics. Puis justement, pour le Zine Extrême Radiophobia, on a la copie du numéro 3 ici. Martyr, on fait le front cover de Radiophobia deux fois en quatre numéros. C'était pour dire à quel point on les aimait. Puis, si vous me permettez, messieurs, je vais vous lire un petit extrait de la critique que j'avais fait de ce concert, juste pour dire à quel point j'avais été blasté par la performance. Critique Tower of Death. Non, c'était signé Tower... Ben oui, c'était signé Tower of Death. OK. Non, c'est pas... Des fois, c'était Tower of... Zone. Tower of Warzone ou... Tower of... Hopeless Tower. Tower of Nickelback. Never. Not... juste pour vous en lire un petit extrait ici. Lorsque le quatuor entama l'ouverture de Warp Zone, la frénésie et l'émeute se fit sentir au front. Après avoir pris une photo, j'ai aussi pris une tête d'un skinhead sur le bord de la mâchoire. Aïe aïe, calice. Ça a fait très mal. J'ai été en crise pendant seulement 3 secondes de voir Martyr en 3 dimensions devant nous exécuter ce qu'on avait déjà peine à croire sur le nouveau CD. Ça valait même la peine de se faire la prise en 4 ou le marteau pilon. Après le solo débile de Daniel à la fin de cette chanson, ça criait de toutes parts. Ils furent accueillis comme si c'était In Flames ou un autre gros band européen. Il y avait vraiment une ambiance incroyable. Qu'il aurait été désespéré de voir ici au Québec. Je me suis d'ailleurs dit à cet instant que nous étions chanceux d'assister à la performance d'un band comme celui-là chez nous et qu'à ce moment précis, je n'aurais pas voulu être à aucun autre endroit sur cette planète. Martyr ruled. Alors, c'est ça, ils ont eu vraiment un accueil vraiment digne de ce qu'il y avait à nous offrir à ce moment-là. Puis, c'était de les voir faire ces passes-là, comme dans Speechless, justement, la chanson qu'on va entendre. Il y a une espèce de descente à 12 notes, là, en harmonie, là, super super fast. Là. Puis, écoute, ils faisaient ça là, avec le gros smile là, en face. Là, on était comme « wow ». C'était comme « wow », figé, là, c'était comme « tu m'ignaises ». C'était vraiment à ce point-là. C'est Dan. Bref, Dan chantait, il faisait les solos débiles avec son ami Lampron, qui était second guitariste, Pierre-Luc, oui. Pierre-Luc. Et François Mongrain à la basse. C'est Patrick Hamelin aussi. Patrice Hamelin, un drummer de grand talent qui évolue avec Gorgas aujourd'hui. Ah, Il y a du succès à l'international aussi. Les gars, en passant, autant dans Voivod que dans Gorguts, ils reçoivent des bons feedbacks encore pour Martyr peu partout, même au Brésil ou peu importe. Il y a encore du monde qui vient de faire signer des Warp Zone parce qu'on a eu quand même un minimum de distribution là-bas, en France, puis en tout cas à différents endroits. Donc, une belle reconnaissance pour Martyr, même à l'étranger quand même. Mais ça pourrait être, on s'entend que ça pourrait être bien plus que ça, proportionnellement justement au grand potentiel que le groupe avait, c'est sûr. Mais bon, c'est pas mal ça mon concert mémorable. Mais ce qu'on va entendre, c'est une pièce de leur live qui ont sorti la nuit suivante. Ouais. C'est un concert qui était enregistré à Rouen, justement, le 3 mars 2001. Et j'y étais non seulement comme spectateur, mais j'étais sur scène aussi avec nos amis Ian Campbell et Samuel Dufour, qui est dans Fobocosan. J'avais remplacé le guitariste Alex Forcier à une mue. Pour une note, oui. Que certains connaissent sous le nom de Meu, Alexandre Forcier lui-même. Jouait dans un band qui s'appelait Spiritual Might. Alors, on avait fait des covers de Cataclysm, Carcass, tout ça, puis plus de compositions que les autres avaient déjà. Fait que ça a été mon heure de gloire sur un stage devant 400 personnes. La scène apparemment pleine à craquer avec Marty qui avait donné une performance incroyable. Et ça avait été enregistré par Yannick Saint-Amand avec un DAT. Alors, Yannick Saint-Amand, comme ingénieur de son, commençait à se faire connaître à ce moment-là. Donc, commençait à suivre Martyr sur la route et les avait enregistrés de façon très impeccable. Ce qui a donné ce live, j'étais pour dire, Destroy, Erase, Improve. C'est pas ça pour tout, c'est Extracting the Core. Alors, voilà, pour Martyr. Y a-t-il une vidéo de ça? Y a-t-il des vidéos du filmage? J'en ai déjà vu, mais online, comme c'est là, je pense pas, non. Non. Alors, avis à tous les fans de Subversion, si jamais vous avez du Sylvain Latour live, faites-nous le savoir ASAP. Moi, je me rappelle que Dan Mongrain, puis il était venu sur le bord du stage juste avant notre prestation, puis il avait dit au gérant Jean-François Hull, qu'on parlait tantôt, il dit, on va le voir jouer, lui. C'est comme, parce que je n'avais jamais vu sur une scène, mais bon, j'avais pas de bande ni rien à ce moment-là. J'étais plus un player de salon avec mon Marshall, puis ma fin du monde, puis je me faisais des jams en temps de Noël. Bref, donc, on parlait aussi de Pantera dans cette séquence. C'était un concert. Laisse-moi voir, c'est quel show de Pantera? L'Auditorium de Verdun en 94 avec Typo Négative en première partie. Typo Négative était encore en tournée pour l'album Bloody Kisses. Ils ont joué avec plusieurs groupes comme Motley Crue puis même Nine Inch Nails. Fait que ils étaient en tournée avec Pantera. Pour ce qui est de Pantera, c'était leur album Far Beyond Driven, le troisième album sur le major label Atco Atlantic. Ce qui est mémorable de ce concert-là, c'est la controverse qu'il y a eu de Philip Anselmo. Encore aujourd'hui, on y en parle et il en est gêné. D'ailleurs, c'est revenu dans les médias récemment. Bref, à l'Auditorium de Verdun, Philip avait fait des commentaires qui étaient perçus comme, comme White Power avec son speech qui est maintenant sur YouTube. Fait que déjà, il y avait la controverse sur le personnage, puis ça n'a juste pas aidé. Fait que la presse canadienne et québécoise l'avait boudé et l'a boudé depuis ce temps-là, récemment. Alors, Philip a souvent été dans l'eau chaude avec ses propos controversés. Fait que ça a commencé là, à Verdun, en 94. Fait qu'on était là. C'est un excellent spectacle, par contre. Et de cet album-là, on va écouter l'album Use My Third Arm, Utilise mon troisième bras. D'ailleurs, j'y étais ce concert-là. J'étais enthousiaste à voir Typo Négatif, qui était la première partie. Moi, j'avais beaucoup aimé le show, contrairement à bien des festivaliers, entre guillemets, dans les estrades, qui avaient hué Peter Steele et son groupe. Puis on avait beaucoup jasé, justement, de Typo lors de nos rendez-vous, hein, à Place Versailles, justement. Un groupe massif, dans tous les sens du terme. Un groupe massif, Ouais, c'est ça. Fait qu'un beau souvenir de l'Auditorium de Verdun en mars 1995, oui. Oui, c'était deux semaines après le concert de Slayer, au même endroit. Puis Machine Head, Slayer by Archer, Machine Head. Oui, un bel hiver finalement pour le métal à Montréal. Et oui, on parlait tantôt de Uli John Roth, hein? Cet ancien Scorpions, entre autres. Toi, tu as choisi une pièce, Entrance, en fait, qui est une pièce de Scorpions. Ça a apparu sur un Revisited de Scorpions? Ben, ça a apparu sur l'album Entrance de Scorpions avec Willie John Roth. Mais moi, quand je l'ai vu, Uli Roth, pour la première fois, il jouait pour Michael Schenker. C'était full German. Puis il jouait des vieilles tunes. Pas beaucoup, il jouait beaucoup de son stock à lui. C'est du Jimi Hendrix style, un petit peu airy, puis un petit peu psychedelic rock, avec un backdrop, puis des séquences. Mais il avait joué des vieilles tunes. Si je ne me trompe pas, il y avait Dark Lady, il jouait, puis In Trance, puis un couple d'autres, Steam Rock Fever, si je ne me trompe pas. Puis c'est une tune que j'ai choisie pour ton show parce que c'est une trance, c'est un classique du vieux Scorpions avec Uli John Roth dessus. Mm-hmm. Toi, c'est un concert que tu avais vu à Long Island. Hein? Oui. Ouais. C'était comme 25$. Je suis allé à Long Island, New York avec trois autres amis. On est descendu. En 2004? En 2004. Ouais, septembre 2004, c'est ça que... Ouais, je pense que c'est ça. Oui. Puis il y avait Uli John Roth qui ouvrait pour Michael Schenker. Mm-hmm. C'était incroyable. La première fois que je voyais tous les deux ensemble, mm-hmm. en ever. Puis Uli Roth quand on embarque sur stage, puis il y avait quelque chose de Dieu-like, God-likely. It's Uli John Roth. Oh, ouais. J'avais tellement écouté du vieux Scorpions, c'est tellement bon. Puis là, je vois lui, puis c'est ça, il ouvrait pour Michael Schenker, que dans ces moments-là, il avait des problèmes d'alcool, puis il avait pas un band régulier, mais il a toujours eu ça. Puis, mais Uli John Roth, c'était mémorable pour moi pour ce show-là. C'est juste, il y avait des emotions là-dedans, puis il avait l'air tellement doux puis sympathique, le monsieur, avec ses collants en suède, puis sa petite guitare, son petit chapeau avec sa plume dedans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'était spécial, puis moi j'aimais bien ce show-là, ça m'a fait quelque chose. Wow! Puis là, on sait maintenant il fait des tournées mondiales avec les Tokyo Tapes Revisited, toutes les vieux tunes de Scorpions qu'il fait maintenant, puis il y a beaucoup plus de succès avec ça qu'avec ses tunes à lui. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi In Trance, ça c'est une vrai bon classique. du vieux Scorpions. Ah oui. Moi, j'ai pas pu voir Uli Roth encore en spectacle, mais ben, il semble dégager quelque chose de spécial. Puis, il faut savoir que lui, il a œuvré dans Scorpions de 73 à 78. Et puis, c'est ça, il est devenu un personnage très influent en termes de ce qu'il appelle de guitare néoclassique, hein, ouais, intégré dans le hard rock et le heavy metal. Puis, en fait, ce qu'on va entendre, c'est une version live, oui, mais enregistrée au fameux Festival Wacken, hein, en allemand, en 2015. Donc, si vous le voulez bien, messieurs, nous allons entendre ces trois chansons. On va entendre ces trois formations, ces trois artistes, ces trois groupes d'artistes. Uli John Roth, Pantera, mais d'abord Martyr avec Speechless, live à Rouyn-Noranda 2001. Subversion sur Underground Québec Radio en direct de Jerry Smoke Meat, ce classique de l'Est de Montréal. Yeah! Avec Sylvain Latour. Tower of Death. On guitar. Subversion avec DJ Tower of Death sur Underground Québec Radio. Imaginez-vous donc que ce soir, l'émission Bourreau Métallique ne s'arrêtera pas à minuit, mais elle va continuer jusqu'aux petites heures du matin. I'm a savior. I believe in the dark. Oh, excusez. Il arrive parfois qu'on a des petits problèmes techniques ici. C'est IBL. La technologie, aussi moderne qu'elle puisse être en 1995, elle fait défaut, elle avec. Bon, c'est ça. Bon. Puis là, écœurez-vous plus avec ça, c'est un maudit de cochonnerie-là. J'en ai plein mon derrière. Bon. Et toi aussi, arrête de m'écœurer avec ça, c'est un maudit affaire-là. C'est sûr, je te dis, moi. On va venir acheter ce maudit équipement-là. Il est là, OK? Puis je m'en sers du mieux qu'on peut. Bon, bon, bon. Ça marche pas. Tu veux que je te dis? Hey, Tex, toi là qui fais des tournées partout au Québec, dis-nous donc là, ce qui t'impressionne le plus. Les gens de chez nous, des gens comme toi, comme moi, alors, regarde bien. Quand on est Québécois, on est fier de son choix. Et parce qu'on a du goût, la Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. La Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. On se fait plaisir, on aime la vie, on se paye la traite, on compte pas et tout. On aime une bière pleine d'agréments, on la choisit, c'est pour longtemps. La Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. Pour nous, la bière, ça n'a plus de secret, un vrai plaisir, on sait ce que c'est. On se fait une idée, puis c'est sérieux, la Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. La Molson, c'est ce qu'on boit chez nous. T'as vu, là? Ça, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent. Salut! Nous venons d'entendre Uli John Roth avec la pièce In Trance, un choix de notre ami Wayne pour son concert mémorable. Ça, c'est en 2004 à New York. Long Island. Ouais, ouais, Long Island. On a entendu une version live en 2015 au Festival Wacken. C'était précédé de Pantera avec Use My Third Arm. De 1994, une version live également, en quelque part en Europe, c'est pas précis, ça vient d'un bootleg du nom de No Compromise, No Sellout. Bootleg, quand même, une version respectable de ce concert que Mike, en fait, c'est la même année en fait que ce concert. Non, c'est en 95, c'est l'année suivante. 94. Hein? Non, vous trompez les lettres. 94. Non, mais... 95. Hein? 95. C'est 95, c'est 95. Ça. Oui, c'est 94. Ça. Oui, oui. 95. En fait, c'est... En mars. Jesus! Mars 95, j'y étais, à Montréal, à Verdun plutôt. Et au début de bloc, on avait eu Martyr avec Speechless, version live à Rouyn-Noranda en 2001, de Extracting the Core, pour souligner ce concert mémorable qui avait eu, pour ma part, un souvenir impérissable du lancement de Warp Zone au Fofones Électriques le 5 mai 2000. Avec des très bons comebacks aussi pour avoir réécouté des vieilles émissions du Bureau Métallique. Il avait fait mention, notre confrère Simon Girard, justement, avait fait mention. Ça avait été une très belle soirée. Et c'était à l'époque où ce que Maurice Richard organisait des concerts locaux avec seulement 3 bandes. Puis ça, c'était vraiment merveilleux. Les espèces qu'il appelait les concerts la série Metal Québec. Il avait fait ça avec Oblivion, Marseille, puis Covadis aussi, je me rappelle. Ça, c'était vraiment le fun. 3 bandes à titre, un prix quand même assez modique. C'était merveilleux, ça, 3 bandes. Je pensais de ça. C'est assez. Ouais. 3 bandes, c'est en masse. Ouais. C'est parfait. Ouais. Rien à dire. C'est en masse, 3 bandes, 4 non, 5 ouais. Non, 2 non, 3 oui. Parce que déjà en 2000, il y avait des. T'avais le death metal Across America de je sais pas trop quoi, là, que. T'avais des 6 bandes brutales en ligne, puis c'était commencé à être à la mode, les festivals, les gros les festivals en tournée. Là. Festival, festival. Festival, cheval, cheval. Cheval, moi. Ouais, festival, festival. D'accord. Bien, focus. D'accord, travaux, concerto, etc. Bon. Ceci dit. Ouais. Voulez-vous parler du prix des billets en 2016 tout de suite ou plus tard? Ah! Sacré fils de tabarouette. Moi, je suis en plus de chez nous aussi. C'est ouais. Tu en as rien pour aller voir Guns N' Roses. On parle pas des meet and greet non plus. Non, non. Scandale. Non. C'est de la prostitution, ça. OK. Non, faire un band qui fait charger ses fans, puis les rencontrer, prendre une photo, puis signer un disque, là. Au-delà de 20$, là. Deux, trois factures. Tu peux pas faire. Tu es un groupe, tu fais de la musique, tu aimes la musique, tu veux voir du monde, tu vois du monde, puis tu leur charges pour venir au spectacle, tu leur charges plus cher pour les rencontrer. C'est contre le verre du rock'n'roll, du sens de liberté et d'expression, de vouloir être là pour les gens. Mais qui décide ça? C'est le promoteur ou le band? Non, c'est le band. C'est le band qui vend un projet. Le promoteur peut le. Si le band dit non, le promoteur peut rien faire. Le promoteur, il fait-tu de l'argent? Sûrement un petit pourcentage, là, mais vendre un billet pour vendre un billet. Testing 1-2. Bon, on reprend, puisqu'on devait payer nos repas, sinon la sécurité se serait chargée de nous, hein? Ouais, une autre fois. Ouais. Fight until force! C'est force, dit-il pendant que Paul McCartney il vote sa chanson de Noël, qui est, à mon avis, une des seules qui est tolérable sur les ondes. Ouais. Non, quand même. On parlait du prix des billets, puis Mike a soulevé un bon point. ça me fait penser que, ironiquement, je trouve que pour... ils veulent qu'on paye pour avoir une proximité avec les artistes, alors que dans ma tête, moi, ça crée une distance avec l'artiste, dans le sens que tu es à côté de lui, fine, mais juste le fait, il y a un malaise de payer un prix exorbitant pour, juste pour 5, 10, 10 secondes. C'est très mécanique, hein? C'est très froid. Quand tu veux passer du temps avec quelqu'un, tu passes du temps avec quelqu'un. Tu donnes pas 50$ pour passer du temps avec quelqu'un. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot prostitution tout à l'heure. C'est tes fans, c'est eux qui achètent ta musique, qui achètent tes chandails, qui portent les chandails, qui parlent de toi, qui viennent te voir, qui se déplacent, puis là, tu leur charges 50$ pour te serrer la main. C'est dégueulasse, hein? Ça fonctionne pas dans l'esprit rock'n'roll de partager, d'avoir du fun, puis juste le faire pour le fun, puis rencontrer du monde. Hey, merci, puis bye. Non, je te charge 50$. Ça semble être une pratique qui est courante, voire même exorbitante, dans le milieu de la pop. Et là, il y a certains bands dans le heavy metal, semble-t-il, qui veulent exploiter ce côté-là. On a parlé, on a cité un exemple frappant tantôt. C'était quoi, Dave Mustaine? Dave Mustaine, c'est au moins tu restes avec sa main chez lui. Là, tu coupes son gazon, whatever, là, mais tu payes 5 000 pour être avec Dave Mustaine. Ouais. Mais il y a aussi y a Ghost, c'est 300$. Puis Dream Theater aussi, c'est comme 300$. Ouais. My God, c'est ridicule. Moi, je trouve ça ridicule. Ouais. Excusez-moi. Là. Ouais. Je charge pas le monde, comme Mike dit. Là. Tu payes tout le ticket, le parking, la bière, les albums, les t-shirts. Ouais. En plus, tu charges 300$ pour les voir. Les t-shirts sont pas pour les rencontrer. Ouais, ouais. Les t-shirts sont pas donnés non plus. Ouais. Slayer, c'était quoi, 40-50$ le t-shirt? Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, ce show-là. Ça a l'air que c'était fou. Ça vient faire une ségrégation entre les fans. Bref, les fans avec le plus gros portefeuille vont pouvoir se rapprocher du groupe. C'est pas ça l'enjeu. Là. Ben non, t'es un fan. On vient de l'école du tape trading, puis des échanges de cassettes, puis on faisait des mille et des mille pour acheter un album, où on attendait, où on lisait des vieux magazines pour justement s'informer de ces groupes-là. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est plus facile, mais le fan ne pas être pénalisé pour rencontrer son héros du rock. Là. Mais le gars qui travaille chez McDonald's, là, qui fait un salaire minimum, puis son hero, c'est le chanteur, le guitariste de Dream Theater, il n'y a pas le 300$ pour aller payer pour dire salut, ben non, handshake, non. And I love you, you're the best. Pis ça n'a pas de bon sens. Ouais. Je trouve que c'est ridicule. Anyways, un exemple, là, j'étais sur Facebook, fait qu'un asshole de Vancouver, je dirais pas son nom, là. Je l'ai unfriendé vite fait, mais il vendait une photo de Zach Wilde, pis c'était même pas une photo, mais il est supposément photographe. Il est correct, mais il est bien ordinaire. Puis il vendait une photo dans un cadrage qui vaut 300$, puis la photo, 5$, là, c'est une photo que tu prends en digital, puis tu mets sur ton computer, puis tu le sors, c'est pas bien cher. Là. Puis il le vendait 500$. Puis j'ai dit sur son Facebook page, this is not worth more than 50 bucks. Mm-hmm. Puis il est venu en maudit contre moi. Je dis, come on, man. The little guy in McDonald's, he can't buy, j'ai pris McDonald's comme exemple encore. Okay, he can't buy this, il peut pas acheter cette carte-là à 500$. Ah, je m'en fous de ce gars-là. Ouais. Il veut faire de l'argent, il fait ça pour de l'argent, il fait même pas ça pour le trip d'un music fan. Puis dans les années 80, comme Mike dit, on faisait du tape trading, on faisait des fanzines pour le fun, pour le trip. Donne des photos, c'est des bands qui ont des photos. C'est free, hein? Go for it, put my name. Ouais. Je vends, je fais ça, pas ça pour l'argent. Là, c'est rendu un petit peu ridicule, là, les meet and greet. Là. Je sais pas si Slayer, y en avait-tu un meet and greet? Toutes les bands en ont. Slayer, Exodus. Je sais pas c'était combien, Slayer. Peu importe le prix, c'est juste le fait de le faire que je trouve ça un peu dégoûtant. Et Metallica, ils font avec leur fan club. Ouais, ils font un special, c'est pas pareil, là, tu sais. Ben, mais. Oui, puis non, mais il faut quand même avoir d'argent pour être dans la même pièce qu'eux autres ou les rencontrer 5 minutes. Ouais. Ouais, n'importe quand il y a de l'argent qui sépare toi, puis ben, le fan et l'artiste, mais ben, là, tu crées un rift tranquillement, puis ceux qui sont plus riches peuvent se le permettre, puis les plus pauvres, qui sont peut-être les plus grands fans, peuvent pas se le permettre, puis bon, ben, je vais rester chez nous, puis j'irai même plus voir le show, ça me tente même plus. Pourquoi je vais aller voir, je vais être placé dans les bleus en arrière, dans le centre d'aide, puis je vais rien voir. M'acheter le DVD, ou je vais télécharger le DVD, ou je vais regarder sur YouTube, puis ça va me coûter zéro. Hein. C'est rendu ça, c'est une question de sous. Ouais. ça, c'est son... Mais ça, on exclut là, tout le meet and greet, les bonus du concert. Juste le concert lui-même, tu sais. Tu sais, quand on pense qu'il y en a qui ont vu des bandes à leur prime, AC/DC à 12$, Rush à 8$, Guns N' Roses en première partie de Maiden pour des peanuts. Et aujourd'hui, en 2016, 2017, on veut nous charger en 160 et 400$ pour voir un band comme ça. Vous autres, c'est quoi votre limite pour un band, même si c'est votre band favori, là? Moi, j'ai payé comme 80$ pour aller voir quelque chose à Place des Arts. Il y avait trois bons artistes, Country Folk, puis c'était bien cool. Mais payer 100$, je pense que je l'ai pas fait encore pour un band heavy metal. Puis ça m'intéresse pas vraiment de le faire non plus, là. Mais je me rappelle dans le temps, quand je travaillais à Rock en Stock des années 80, il y avait des signing, des autograph sessions. J'ai rencontré Kiss à Rock en Stock. Il y avait Motorhead, sont venus. Maiden, sont venus deux fois. Ouais, gratuit. Il y avait Crocus, en tout cas, il y avait plein de bandes qui sont passées. Mais... Ouais. Puis, why not? Hey, c'était cool. Ben oui. C'est le fun. Tu vois, il y avait un fil d'or sur la rue Crescent. Je pense que c'est 1238, c'est ça. 1238, ouais, Crescent. Ah, oui, c'est ça. Puis c'est ça, puis il y avait un line-up d'or, puis il y avait un enthousiasme. Tu rentrais par la porte à gauche, tu sortais par la porte à droite, il y avait des photographes, mais c'était le fun. Ah. Tu payais pas une scène, mais les fans étaient. Les bandes étaient « Wow, enthousiastiques. Hey, thanks, man. » Puis t'es content. Là, c'est juste « Pay me and get out, you know? » Ouais, ouais, ouais, ouais. Parce que je sais pas s'ils ont contrôle sur ça, mais je trouve ça triste. Moi, je trouve ça triste un peu, ce qui se passe maintenant, là. Puis ça m'intéresse pas d'aller voir un show puis de payer gros prix non plus, hein. Moi, ça a été Rush, 89,50, that's it. Je veux rien savoir. Plus que ça, tu me perds. Ouais. Peu importe t'es qui. Je les ai vus trois fois depuis 2007, ça va être pas mal autour de ça. On s'entend 89 et 50, t'es pas sur le floor, là. Encore là, encore tu sais. Et bon. Et toi, on te verra pas au show de Guns en 2007? Non, je vais être confortablement à la maison, sûrement en train de regarder ma VHS live à Tokyo 92, qui m'a coûté pas grand chose. Mais pour ta question tout à l'heure, le show que j'ai payé le plus cher, c'est Van Halen, David Lee Roth, en 2006-2005, quand je suis revenu, là, la réunion pour l'album que j'oublie le nom. Là. En tout cas, le plus cher que j'ai payé, c'est 180$, moi. Puis, ouais, c'est le plus haut que je suis allé ever pour avoir des billets pour un show rock au Centre Bell, par exemple. Sinon, tu sais, Rush, ZZ Top, Purple, tout ça, c'est 80$. C'est à peu près, Metallica, 100-120. Mais si j'irais plus, ça me tente pas de payer autant. Parce que plus tu payes, plus tu encourages. Donc, plus ils vont revenir, puis plus ils vont commencer. Fait que c'est l'offre et la demande. C'est ça, c'est une business. Fait que c'est l'offre et la demande. Plus les gens y vont, plus ils vont recommencer. Puis là, 20$ de plus, 30$ de plus. Fait que moi, ma façon de voter, puis de dire non, puis de protester, c'est d'arrêter de participer. Fait que ça, je vais moins voir de show. Je suis de plus en plus sélectif. Et puis, bon, je sais que je suis un parmi 18 000 qui vont pas, mais... Mais ce qui arrive, ça va être sold out, ces shows-là, ça l'affaire. Il y a toujours du monde qui va y aller. C'est sûr. Le new crowd, je sais pas si c'est le hipster metal crowd qui vont, là, mais ça va être sold out. C'est possible. Guns N' Roses, ça va être sold out, je suis sûr. En tout cas, je pense, là. Mais un de mes amis est allé voir Dawkins dans l'Ouest canadien cet été. Puis, donc, il est parti de Toronto. Il a acheté le billet en plus. Là, je sais pas combien était le billet. L'avion, aller-retour, en dedans de 48 heures. Comment ça coûte, tout ça, la ticket, l'avion, la ticket, puis chaud, puis tout. Une chambre d'hôtel. Puis c'était pourri. Donc, tu fais de l'argent, je sais pas. Tu peux aller voir Guns N' Roses, puis peut-être ça va être pas bon non plus, là. C'est gros hype, c'est beaucoup de hype. Mais non, c'est moi, là. C'est cher à payer pour quelqu'un qui... Je me demande comment, mettons, que je sais pas, mettons, il y a 20 000 personnes, mettons, 25 000, 30 000... Comment est-ce qu'il va y avoir de personnes sur place qui étaient au stade en 92, d'après vous? Ça serait quand même un peu weird, c'est le fait que, OK, je m'appelle Axel, je vous ai envoyé promener en 92 au stade, vous envoyez promener, retournez-vous-en chez vous, allez casser. C'est pas lui qui a dit au monde de péter la boutique des expos, là, mais tu vois ce que je veux dire? T'as deux types de personnes. Hein. T'as le fan qui va. Ben, les gens ont la mémoire courte en général, là, mais t'as le fan qui était là en 92 qui va y retourner aujourd'hui parce que je me rappelle ce coup, c'est mon adolescence, début 90 à triper, fait que je vais y aller. Maintenant, je suis un adulte établi, j'ai l'argent, j'ai une bonne job, je peux me le payer. Mais t'as l'autre fan, pareil, qui a le même âge, qui pourra pas se le payer, puis qui aimerait ça, qui est autant fan, puis qui aimerait autant y aller, mais. mais à cause du prix exorbitant de 200, 300, 400 $, je me disais, bon, mais je n'irai pas. Tu sais, je les ai vus pour 25$ au stade jadis, puis là, je vais rester chez nous. Là, c'est une question d'argent, it's all about the money. C'est 558$ le moins cher, je pense, puis tu es straight loin en Caroline, hein? Ouais. C'est ça le cheap, hein? Non, ils ont sorti des tickets à 109$. Puis il y a du monde qui est sur Facebook qui dit « Ah, t'es l'autre bord du pont, puis t'es, ouais, t'es dans Saint-Lambert. » Donc, let's go. Ouais. Mais le prix des spectacles, comme on disait, le but du sujet, le prix des spectacles est trop cher aujourd'hui. Pourquoi? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est qu'il y a trop de niveaux de production dans les spectacles. Aujourd'hui, t'as le groupe qui joue, t'as un backline, t'as des écrans géants, t'as des effets spéciaux. Oui, c'est le fun, mais tu payes pour ça. Ouais. T'aimes-tu mieux voir un band qui est bien normal, c'est-à-dire sans effets spéciaux, sans écran géant qui mesure 120 pieds puis tout le kit, t'sais. Moi, oui, ça me dérange pas parce qu'il y a bien des shows jadis que j'ai pas vu mais qui sont passés quand même. C'était un band bien normal qui jouait dans une arène qui était full à craquer puis c'était genre des shows à 15$. Là. Fait que est-ce que le coût de la production vaut le prix du pied qui est comme exponentiel? Et puis quand je parle aussi tout à l'heure que je mentionnais au niveau des personnes impliquées, tu sais, t'as les venues, les salles de spectacle là, qui prennent des cotes énormes sur la marchandise, sur le spectacle tel quel. Ils contrôlent la vente de bière. Fait qu'ils font déjà bien de l'argent sur le spectacle. Fait que l'artiste doit encore monter son prix. Il y a aussi l'agence, bon, tout le monde monte son prix. Il y a aussi des bandes que ça leur coûte cher de venir jouer au Canada. Ouais. Les douanes et les permis, tout ça, là, c'est rendu exorbitant, mais ça, en tout cas, ça a l'air, j'ai entendu parler. Ouais. C'est ridicule, tu sais, pour un petit band normal, pour d'avoir des passeports à lui-même, et vice-versa, aller au Canada, aller jouer aux US, ça coûte cher. Ouais, permis de travail. Puis c'est rendu... En tout cas, ce que j'ai entendu parler, c'est vraiment c'est out of control un peu aussi, là. Ils font pas ça facile pour des bandes de rentrer ici. Mm-hmm. Donc, comme Mike dit, c'est sûr, il y a toujours quelqu'un qui va prendre des cotes. Mm-hmm. Donc, c'est poche. Même en plus, dans le processus de commander billets online, là, t'as les frais de service, le frais de ci, le frais de... Le frais de... livraison à 12$ pour un thème qui vaut une 10. Ouais, non, regarde, c'est insultant. Là. C'est insulter notre intelligence là, en tant que consommateur. Ouais. C'est pour ça que c'est fun de rester avec des petits groupes qui jouent au Catacombe puis au Piranha. Puis... Mm-hmm. Je veux pas dire les fous, c'est parce qu'on les a boycottés un peu cette année. Là, mais quand c'est des petits clubs-là, des fois, qui amènent les meilleurs shows, t'es plus proche. Mm-hmm. Le prix est correct pour des tickets. Quand il faut dire que des fois, au Club Soda puis au Metropolis, c'est rendu cher, là, les shows. Là. Ouais. C'est comprenable, les bands chargent cher, puis le cost of living, c'est plus cher aussi. Là, mm-hmm. Donc, on a vécu quand c'était moins cher aussi, hein, c'était 5 à 10 piastres, 8 piastres. C'est dur à battre. Ben, c'est sûr, on est consommateurs, on regarde pas toujours l'envers de la médaille du premier coup. On paye, ça sort de nos poches, puis ouch. Ben, je dis comme mec, pareil, on pick and choose nos shows, là, on choisit les shows, on sort moins souvent. Parce que juste déjà là, rien qu'à les stationner en ville, puis se déplacer, les cônes orange, puis tout, puis c'est rendu... À un moment donné, ça coûte cher. Là, on est bien chez nous avec notre petite TV, notre petit DVD. Là, mais... Ouais. Notre petite bière, notre whisky. Le divertissement coûte cher parce qu'on peut dire la même chose pour genre un combat de boxe ou bien un show de lutte, la WWE. Uh-huh. Tout ce qui est divertissement est extrêmement dispendieux aujourd'hui. Ouais. Fait que si on revient à ce qu'on disait, c'est parce qu'il y a beaucoup de paliers qui prennent de l'argent là-dessus, tous les promoteurs, les agences, les ci, les ça, la production. Fait que c'est le fan qui paye. Mm-hmm. Fait que rentrer dans un building, ça coûte 200$, puis t'es assis en haut dans les bleus, là, c'est cher le billet. Pour 2 heures de divertissement, tu sais, c'est... Que tu regardes sur l'écran géant en plus dans l'aréna. Ouais, là. Des fois en plus, fait que... Madame, tu sais, chez vous, des fois. Ouais, ça, ouais. Tout ce que tu peux regarder sur DVD, tant qu'elle a regardé sur un écran, des petits bonhommes à 1 km. Puis comme Wayne a dit, tu stationnes, il faut que tu soupes au centre-ville, il faut que tu gosses dans le trafic, fait que t'as un bon 5 heures d'investi là, de ton temps, là, aller-retour, fait que... C'est rendu luxueux, divertissement. Absolument. Donc, on va continuer en musique. Il reste 3 bandes à présenter. On va y aller tout de suite avec une pièce, puis on va finir avec les 2 autres en dernier. C'est bon, ça te dit qu'il y en a 3. On va commencer par la première, on va finir par les 2 dernières. C'est ça. C'est quoi, c'est ça que j'ai dit? Oui. OK, d'accord. Ben, en tout cas, je consulterai la reprise pour voir si c'est vrai. Vous êtes peut-être OK. Bon. On parle de concerts mémorables encore. On parle d'Iron Maiden, justement. On parlait de bandes dans leur... un petit peu dans leur... leur hype, leur prime, whatever. Ben, Maiden, ça a probablement toujours été une machine assez constante, mais bon, comme bien d'autres bands, ils ont eu certains, peut-être des hauts et des bas à quelques endroits, mais pas en 1981, lors de la tournée Killers, dont plusieurs font encore éloge, même Lars Ulrich, dans un documentaire qui dit Inside Metal, sur la scène de Los Angeles. Il en parle justement, qu'il avait vu Maiden lors du Killers Tour, mais en Europe. Okay. Donc, ça, c'est arrivé à Montréal un mois environ après qu'il a été tapé, je pense que c'est à Osaka ou à Tokyo, Made in Japan. Donc, le 21 juin 1981, au Spectrum, toi, tu y étais. Yeah, man, c'est comme le show que... Puis t'as pas payé... T'as pas payé 75$ ou 100$, là. Je me rappelle pas. Non, ben honnêtement, je me rappelle pas du prix du billet. Je sais que ça peut se trouver sur le net. Peut-être Stéphane Giroux, si t'écoutes, tu peux savoir le prix. Moi, je me rappelle pas. Je sais qu'il y a encore son ticket. Je sais pas si Dennis Barth était là aussi, là, dans la foule. Ouais, c'est ça. Anyways, c'était un show, le show mémorable pour moi dans ma vie, là. Puis c'était pas encore dans leur prime. Pour moi, leur prime, c'était Number of the Beast. Je pense que c'est là ce qu'ils ont fait. Vraiment frappé le high point of Maiden, mais c'est juste avant. Mais moi, je suis un fan de Diano puis Maiden avec Diano. Pour moi, c'est ça le vrai Maiden, les deux premiers albums. C'est sûr que on peut en discuter pas mal longuement de ça. Mais oui, Spectrum avec Paul Diano puis Iron Maiden. Puis quelque chose, j'ai choisi le tune Iron Maiden, hein, c'est ça? Oui. Pour moi, le premier album d'Iron Maiden, c'est la meilleure album du New Wave of British Heavy Metal. Je pense qu'ils ont commencé avec un trend là, vraiment. En tout cas, pour moi, c'est spécial. Toi, Sylvain, t'aimes ça, cet album-là? Oui. Oui, hein? Oui, j'ai aimé cet album-là. Ça, c'est difficile comme question à savoir. On préfère-tu Bruce, on préfère-tu Paul? C'est... Ouais, je sais. C'est. On y repense toujours. Hein? Ouais. Je sais pas. Parce que Number of the Beast, je l'ai bien aimé. C'était vraiment bon, cet album. Quand ça a sorti, ça a fait wow. Mais maintenant, on regarde encore puis on réécoute du vieux stock. C'est sûr, Paul Diano, c'est avec quelque chose de spécial, quelque chose de raw dans les deux premiers albums. Toi, Mike, t'aimes ça, les deux premiers Maiden sont plus hardcore, sont plus punk, sont vraiment new album, punk, puis c'est la bonne période, ce sont les 80. Ouais. Fait qu'avec Bruce, c'est devenu plus européen, plus classic metal, qui n'était pas classique dans ce temps-là, mais qui est devenu aujourd'hui, avec plus de gains au niveau des guitares. Fait que là, ils ont tuné up. C'est Motorhead ont tuné up, Death Leopard ils ont tuné up. Fait que le vert, puis Priest avec British Steel, ont fait monter la cote pour tout le monde aussi. Mm-hmm. Fait que non, le heavy metal vient de l'Angleterre, puis ça, c'est une autre preuve que ces bandes-là ont toutes faites pour paver le chemin pour, depuis 20 ans. C'est bien dit, Puis Def Leppard, Everett, High and Dry qui est sorti dans ce coin, dans ce temps-là aussi, je pense. 80. C'était bon, hein? Oui. Oh. Ace of Spades en 80. En 1980, là, t'as British Steel, t'as Ace of Spades. Premier moment, Cold Shane Curry. Ouais. Mais ça commence en 79 aussi, beaucoup de bonnes affaires ont sorti aussi. Mais 80, 81, 83, là. Premier Ozzy solo avec Randy, c'est intouchable, ça fait. Tous ces albums-là, ça définit les années 80, Saxon, 90. Ouais. Diamond Head, toutes les bandes de même. Il y avait même Riot, c'est américain, mais. Wow, c'est out. Fire Down Under, quel album. C'est américain, mais ça aurait pu fitter avec les bandes européens. Ouais. C'était incroyable cet album-là. Ah, ouais. Non, c'était cool cet album. Ouais. On regarde des playlists dans le temps, puis tous les bons albums entre 79 et 85. Là, c'est on écoute encore ça, ces albums-là maintenant. Mm-hmm. Ce qui sort maintenant, est-ce qu'on va réécouter ça dans 30 ans? Pas sûr. Non, jamais. Never. Moi non plus, je pense pas. Jamais. Donc, est-ce qu'on va entendre d'Iron Maiden? C'était pas sur... en fait... Non, c'était pas sur le Maiden Japan qui est sorti en septembre 81, qui était un EP en passant. Le EP en question avait été enregistré à... En fait, c'était à Nagoya, le 23 mai. Et ce qu'on va entendre, nous, c'est la pièce que tu as choisie, Wayne, Iron Maiden, mais version qu'ils ont enregistrée le lendemain à Tokyo lors d'un broadcast. C'est ressorti sur une espèce d'album complet de Maiden Japan, en guillemets, qui est une espèce de non-official bootleg ou whatever. Là. Difficile de, un petit peu difficile de définir la nature de ce disque-là, s'il en est un. Mais bon, c'est ce qu'on va entendre. Alors, Iron Maiden, la subversion sur Underground Québec Radio en direct de Cherry Smoke Meat dans l'est de Montréal. Noix bombe. This is a song called Iron Maiden! De reformation, désinformation et de groupe et tout ça. On dirait que du Jerry Smoke Meat pour ce spécial concert mémorable Part 2, édition Metal for Breakfast de Noël avec nos amis Mike, TMG et Wayne Archibald. On écoutait une chanson d'Iron Maiden, hein? Yeah, avec la pièce Iron Maiden, un choix de Wayne. Ça a été enregistré en 1981 à Tokyo, au lendemain du recording du EP Made in Japan. À ce moment-là, et c'est en 81 que Wayne avait vu ce concert au Spectrum. Et oui, avec le batteur Cliff Burr, hein, qui est décédé en 2013. Fait que toi, t'as vu Cliff Burr à la batterie en plus. Clive. Puis okay. c'était quelque chose quand même. Ouais. Paul Di'Anno live, incroyable. Ouais. De son vrai nom, Paul Andrews, qui aurait 58 ans aujourd'hui. Puis qui avait été. C'est ça que Lars disait dans le documentaire de Hell and Metal, c'est que. Ils avaient vu là-bas en Europe, ça doit être en Suède là, ou au Danemark probablement, Copenhague peut-être. Puis ils avaient vu backstage pour 5 minutes, je pense. Puis c'était au moment où ils commençaient à parler de sacrer Paul Di'Anno dehors, supposément à cause de troubles de comportement reliés à l'alcool, justement. Ouais, party animal. Ouais, party animal. Drunk on stage, des fois, ouais. J'ai entendu. Ouais. Comment? Des fois, il a pris trop d'alcool, puis il était live on stage. Ah oui, puis, ouais. C'est des histoires que j'ai entendues. Ouais. Bref, concert mémorable, Iron Maiden. Alors, il nous reste deux autres groupes de musique hein, à discuter. Choix de moi-même et celui de Mike. Cannibal Corpse et Gorguts. Concernant Gorguts, pour ma part, ça s'est passé le 5 octobre 1993 au fameux Ritz, le bar, le petit bar rock sur la 3e avenue à Val-d'Or. C'était la tournée, si on veut, Erosion of Sanity. À ce moment-là. Puis, il avait fait une super tempête de neige, comme pas mal. On était en octobre, début octobre. Fait qu'il avait fait une tempête de neige un petit peu avant son temps, un petit peu prématuré. Puis, ça fait été une route, voyons, une aventure assez particulière, se rendre de Rouen à Val d'Or ce soir-là. Bref, nous étions là, puis c'était vraiment super chaud. Gorguts faisait 2 sets. Les frères Cossette engageaient les bandes, faisaient venir les bandes, puis il y avait tout le temps 2 sets dans mes soirées. Ils refaisaient le même set 2 fois, en fait. Fait que c'était comme dans un petit hôtel fait sur le long. Hein. Et puis, un beau party avec Gorguts, puis Steve Urdle était dans le band à ce moment-là avec Steve McDonald. Et je veux lire, justement, dans une de mes collaborations dans le magazine Arsenic. J'avais interviewé Luc Lemay en 2007 au moment où il faisait partie de la reformation négative avec son compère Steve, alors qu'au moment où Gorguts était sur le hiatus, où il était simplement mort. C'est un mot que justement Luc a dit à propos de son ami le défunt batteur Steve McDonald. Le drum qui chante, il avait des riffs sur le drum, des mélodies de drum. C'était un vrai metalhead, un passionné du métal. Il avait ça dans les tripes. Alors, Steve, alias Det, hein, un gars de Québec qui a fait partie de Sadistic Vision aussi à l'époque. C'est la seule fois que moi je l'ai vu en concert. Puis bon, ça a été un autre concert in your face. Là, le band était assis à une table ou deux du band, puis il blastait des tunes des 2 premiers albums. Puis c'était vraiment cool. Je me souviens même plus du titre de la dernière pièce sur Erosion. C'est quoi déjà? Dormant Misery, ouais. Ben, c'est ça, c'est un petit flash comme ça que j'avais eu. Il y a un lecteur de Metal Maniacs qui avait écrit en mentionnant qu'il comprenait souvent le mot chicken dans les chansons de death metal, que ce soit Atrocity ou Suffocation, ça. Il avait cité des exemples de chansons, de bouts de paroles dans des chansons de ces bandes-là, où ce qu'il entendait le mot chicken. Il y avait Gorguts, Dormant Misery, où ce qu'il lui croyait entendre Chicken Land. Puis juste avant qu'il parte, que Luc parte la toune, moi j'ai crié Chicken Land! Là, il a fait comme, il m'a pointé du doigt vers Henriant, il a dit oui, je sais de quoi tu parles. Mais on se connaissait pas personnellement à ce moment-là. Non. C'est étonnant, toi tu connais tout le monde? Mais non, en 93, j'étais trop underground. Bref. Whatever. Bref, dans ma tête, c'était clair et net que On avait fait 100 km pour voir le show, mais c'est, on se sentait comme si on allait voir. On avait fait 500 km pour voir un band, tellement les concerts de ce type-là étaient peu fréquents en Abitibi. D'avoir la chance d'avoir un band de cette. Avec de ce calibre-là, faire ce style-là, dans un petit bar sur la 3e avenue à Val-d'Or. Bref, c'était un concert mémorable pour moi. Puis je pense qu'il revenait tout juste de la tournée européenne, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été enregistré super longtemps après le fameux live à Rotterdam, là, qui est sorti en CD beaucoup plus tard. Et pour ta part, mon ami. De Gorgots à Gorgots. Ah, ben de oui. Gorgots à Gorgots. À faire avec Gorgots, oui, parce que. On va reculer de. T'étais à quelle année, toi, là? T'étais où, là? Ben, moi, ça s'est passé le 5 octobre 93 au Ritz. Un alors, pour ta part. Oui. Un an plus tôt, en janvier 92, à Montréal, au Foufounes électriques. On avait Gorgots, ATS et Cannibal Corpse. Donc, Gorgots était dans leur tournée Considered Dead. The Erosions of Sanity n'était pas encore sorti. Donc, ils ont ouvert et réchauffé l'endroit pour ensuite faire place à ATS. ATS était la première fois qu'ils jouaient à Montréal pour la tournée Unquestionable Presence, album qu'on a ici en plusieurs versions, bien sûr. Oui. Ça, j'aurais aimé ça être là. ATS, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir dans le temps. Album fantastique. Chose à mentionner pour ATS, et bien sûr, Roger Patterson n'était pas là, bien sûr. Tony Jones n'était pas là non plus, là, malheureusement. Donc, on avait Darren McFarlane, le troisième bassiste, qui est tout aussi calibré pour jouer toutes les pièces, funky, ouais, etc. Ouais, bref, ouais, il était là. Fait qu'ils ont joué, ben ça, c'est la tournée Unquestionable Presence. Et tout ce beau monde-là ouvrait pour Cannibal Corpse, la tournée Butchered at Birth, deuxième album. Fait que Butcher, selon moi, c'est pas mal le top de Cannibal, ça puis Tomb. Fait que deuxième album qui est une destruction auditive avec bien sûr le célèbre chanteur death metal légendaire que j'ai oublié son nom, là, mais en tout cas lui. Là, Chris Barnes. Chris Barnes, mon Dieu, j'ai de la misère un matin. Ah, Chris Barnes, mais oui. Je peux mélanger, je pensais à ATS encore. Ah, non. Okay. Ah oui, c'est vrai. Puis ATS aussi, chose le fun. Même si vous regardez sur le DVD qu'ils ont ressorti en 2015 sur Season of Mist, il y a un DVD dedans qui montre eux autres en pratique. Et puis vous allez remarquer que Rand Burkey, le guitariste ATS, et aussi Kelly Schaefer, le guitariste chanteur de ATS, jouent avec la guitare à l'envers. Donc ouais, les cordes, grosses cordes sont en bas, puis les petites cordes sont en haut. C'est sur deux. C'est juste à l'envers. C'est jamais ça. Il y avait juste Randy qui jouait vraiment à l'envers, comme Jimi Hendrix. C'est des malades. Non, Hendrix, il joue pas à l'envers, il joue une gauchère, une guitare de droitière, de gauche, mais les grosses cordes sont en haut, de haut en bas, bref. D'accord. Mais ATS, ils font tout ça un petit peu plus complexe. Okay. Alors voilà. Fait que, ouais, Cannibal Corpse, fait que c'était la pièce, c'était la tournée. Oui, mais c'est bizarre, hein? La tournée Butchered at Birth, et puis là, on va entendre la pièce Gutted. Yes. Donc, justement, tu parlais de cet album-là, et c'est sorti le 30 juin 91 sur Metal Blade, et toujours enregistré au Murray Sound, avec... Vincent Locke, hein, qui est le responsable de l'illustration de cette pochette qu'on voit sur la photo. Puis ben du sang, puis... Tous les albums de Cannibal Corpse, Vincent, ou la plupart? La plupart, je crois, en tout cas, les premiers. C'est comme le Hedwig de Cannibal Corpse, là, c'est ça. Pas vérifié, mais tout est vérifié. Sylvain. Oh, ça alors. Un homme aussi bien documenté que toi, là, c'est... Wouh! C'est parce que j'avais d'autres émissions de radio à produire, moi. Ah, t'es un producteur, excusez-moi. Faut que j'ai contact. Tu sais, là, des Warren Archibald, des Denis Barth, Denis, hein, Sasquatch, là, puis Johnny Hart, là, faut que j'ai contact, ces gars-là, faut que je fasse du. T'sais, faut que je les contacte, faut que je prenne le temps de les convaincre, faut que je les envoie plusieurs emails. Faut que tu les ces gars-là sont super occupés, là. Faut que tu les sous-doies des semaines et des semaines à l'avance. Tu envoies des sommes d'argent considérables pour justement booker un samedi matin en tempête. Je me rappelle pas du cachet que Wayne a reçu, mais bon, il est ici parmi nous et c'est ça qui est important. Yeah! Donc, on y va tout de suite avec... on va entendre Cannibal Corpse, mais d'abord... Gorgots, mais d'abord Cannibal Corpse avec Gutted, la subversion sur Underground Québec Radio. Chris Barnes. We'll be right back. Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. Il y a des gens au Québec là, qui pensent que Éric Lapointe c'est un rocker. Là. Non. Non. Non. Non. Non. Okay. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Okay. Non. Non. Non. Non. Et dire que notre ami Tower en a fait la promotion la semaine dernière. Le nouvel album des Piqueurs. C'est assez pour qu'il plus jamais son émission. Ah, docteur! Tower a fait preuve de très bon goût, là. Moi, je pense qu'il a fait preuve de très mauvais jugement. Ah oui, ben. Vous êtes assez fous! Assez fous. Réponds-moi. Everywhere, the visual. plutôt à cette institution, le Jerry Smoke Me dans l'Est de Montréal, pour ce Metal for Breakfast, édition de Noël, concert mémorable. Oui, Jerry, véritable institution depuis 1974. Hein, on a deux formations dans l'émission d'aujourd'hui qui étaient déjà actives à ce moment-là. Hein, Black Sabbath, UFO. Black Sabbath, c'était... L'album Sabbath, Bloody Sabbath, ouais, en 1974, oui, sorti sur Etiquette Vertigo en Angleterre. Oui. Et moi, c'est UFO Phenomenon qui est sorti sur Chrysalis Records, si je ne me trompe pas. Ouais. Moi, c'est le fois compétition avec Mike, avec toutes les petites informations, mais je pensais ça. Ouais. Puis Shanker, quel album aussi. Ah oui. Puis, ben oui, en compagnie de Mike TMJ et Wayne Archibald, deux anciens du Rock en Stock hein, qui ne s'étaient pas rencontrés encore, semblait-il. Bizarrement, hein? Oui, oui, oui. Ironiquement, deux époques différentes. Là, mais comme tu as mentionné, on a eu le même patron pour un certain bout de temps. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis, puis Wayne a travaillé, justement, on a un colis du même gars de la Rive-Sud, je pense, qui est... Ben, ça commande en stand-by chez Rock en Stock. On a encore le... Il attend encore son paquet. Ouais, alors, Bruno Gagnon, si tu cherches ta boîte, là, et cetera, de Sainte-Catherine, Bruno Gagnon de Sainte-Catherine, ton ouais. COD est encore... C'est 77 et 83. Ouais. OK. Cash on delivery. Ouais, that's it. C'est ça, tantôt, Wayne se demandait si c'était lui qui avait préparé le package, parce qu'il avait travaillé aux envois postaux, hein, chez Rock en Stock. Mais c'est les années 80, pas ça. Pas, non, pas 90. Non, c'est avant ça. C'est ouais. ça, ouais. Donc, la musique qu'on a entendue à l'instant, cette musique, ça s'est... oui, ça a eu un virage brutal quand même, parce qu'on venait d'entendre Gorguts avec Hideous Infirmity du deuxième album de ce band originalement de Sherbrooke, ouais, hein, The Erosion of Sanity, de 1993, avec lequel ils avaient travaillé avec Scott Burns et aussi un nommé Steve Harris, mais pas un Britannique, mais pas le Steve Harris qu'on a ici avec nous, en tout cas sur un autre Kerrang, numéro 104. Ça avait été enregistré au studio Victor, Montréal, avec ce Steve Harris qui avait travaillé avec des bandes comme Acid Rain, Bolt Roar, Fear Factory, entre autres. Et avant ça, on avait eu Cannibal Corpse, Gutted. Ça, c'est une pièce de Butcher d'Adbert. Et Mike l'avait choisi pour son concert mémorable. C'était au Fofones Électriques en 92. Un bill monstrueux avec ATS et Gorguts. Concert mémorable qui a eu lieu le 16 janvier 1992 au Fofones Électriques. Bon, mais c'est ce qui complète pour ce super spécial. Je tiens à vous remercier vraiment. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est pas parce que le micro il est parti là, que je dis ça, là, mais vraiment, je suis super content de vous avoir réunis. Puis j'ai eu du plaisir avec vous faire ce concept-là individuellement. Et là, avec vous deux, c'est un beau bonus. Puis je pense que c'est un beau petit cadeau de Noël que je m'offrais en même temps. Ah, c'est le fun. Ouais. Ben, moi, j'aime ça faire ça. C'est la troisième fois que je le fais. Là, mais c'est ça, si on aurait avec Dennis Barth avec nous autres aussi, ouais, c'est ben un oui, site 4. Si là, jamais, puis Johnny Hart, ce serait... Si jamais ça squash vient dans faire son tour dans l'Est l'été prochain, quelque chose comme ça, ben, on pourrait peut-être essayer de faire de quoi. Ouais, puis moi puis Mike, on fait un autographe sur Insta, ben, un meet and greet chez Larry's Resto Pub à Pointe-aux-Trembles, début des années 2017. Ah, puis oui. C'est 50$ pour un handshake. Puis peut-être un selfie. 115$. Donc, 115 selfies. Ouais, c'est 35 pour rentrer dans, dans l'enclave. Ensuite, c'est 50 pour une poignée de main. 115 pour une photo. Puis pour 120, vous pouvez passer plus que 5 minutes, en tout cas, divine compagnie. Puis ben, 150, je pense que c'est une photo avec des sexy serveuses avec nous autres. C'est ça? Ouais, c'est disponible. C'est disponible. C'est disponible, ouais. Sous réservation. Donc, alors, surveillez ça chez Larry en 2017. Nul besoin de vous tenir sur la page Facebook de chez Larry. Allez sur la page Subversion si vous voulez avoir plus d'informations sur cet événement vraiment unique en Amérique du Nord. Voilà. Yeah. Bon, ben, en tout cas, il va falloir reprendre ça. Comme tu disais, peut-être, on avait discuté avec Johnny Hart de faire ça à trois. Puis du côté de Mike, je te lance l'invitation aussi également. Peut-être un concept Saint-Valentin avec notre ami Simon Girard, avec le bourreau. On s'était dit l'été passé qu'on ferait ça à un moment donné. On avait dit ça à Simon. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, quand il fallait que ça en aille à l'aéroport non. après le déjeuner. Tu t'en rappelles pas? Non. Je me rappelle bien des affaires, mais pas cette passe-là. Mais je suis Simon va être offusqué d'entendre ça. Non, mais je me rappelle bien d'autres affaires, par exemple. Mais pas ça, mais... OK. Tu sais comment me souviens pas d'avoir vu passer le bourreau en vélo sur la rue. C'est que ça allait à l'aéroport là, chercher madame. Là. Et c'est la première fois qu'on voyait, un bourreau en vélo. Bourreau vélo. Donc, on va se quitter sur une pièce en bonus qui n'est pas sur le playlist devant nous. Je l'ai choisie parce que c'est moi-même qui l'ai enregistrée en 2011. Parce qu'elle parle de Noël, ça s'appelle Christmas Sucks, mais la troisième version, Christmas Sucks 3. Oui, oui, il y a du monde sur le web et un peu sur la planète qui connaissent cette chanson-là. C'est une espèce de tune symphonique black metal que j'avais monté. C'est moitié adaptation, moitié composition, si on veut. Puis c'était pour une espèce de complainte, non pas pour Noël en général, mais surtout pour l'aspect, je dirais, consommation commerciale. Tout ce qui génère la bêtise humaine dans le temps de Noël. Donc, c'est un peu de ça que je m'étais inspiré. Alors, c'est une espèce de satire de métal extrême versus justement la magie de Noël. J'essaie de préserver un petit peu la magie de Noël dans ça. Bref, c'est sous le nom de Sly Tower Head. Alors, Sly Tower Head, c'est moi. J'ai enregistré ça sur 40 pistes dans un sous-sol à Saint-Eustache. C'est un message à tous pour vous souhaiter un bon temps des fêtes malgré tout et une bonne année 2017. Alors, c'est ça. Ben, joyeuses fêtes à toi, Sylvain, mais merci. Oui, merci. Merci pour tout, Sylvain. Merci pour tout et bonne continuité à cette version. Tower of Death rocks, man. Alors, c'est ça. Surveillez tout ce qui se passe pour les choses à venir aussi pour Subversion. Page Facebook, vous vous ennuyez de Subversion, vous pouvez écouter des épisodes antérieurs via un lien que vous allez trouver sur le blog de Subversion si vous voulez savoir ce qui est joué dans les émissions. Les dernières émissions sont toujours disponibles sur SoundCloud. N'oubliez pas aussi de visiter les sites de nos amis le Rockmaster Alain Lefebvre pour l'émission Rock Classique à Trois-Rivières ainsi que le Dr Pendragon pour l'émission Réanimation. www.reclassique.net et www.reanimationad.com. Surveillez aussi le blog de notre ami Sinistros, alias Guillaume Gagnon, hurlemort.com pour les critiques d'albums et autres formats audiovisuels quelconques. Bref, merci encore à vous autres, les gars. Puis, c'est ça. On se laisse avec Sly Tower at Christmas Sucks 3, Subversion. Salut, à la prochaine et soyez prudents sur les routes. Nickelback rules, man. Yeah. Not. C'est le temps de Noël, c'est le temps de partager. Là. C'est Nickelback, là. C'est ton groupe préféré. Là. Tu venais à ce groupe rock-là. Fuck si. Je sais pas quoi dire, les gars. On va mettre ça sur le bonus DVD. Chanson de Noël de Carlis. Oh Noël, la fête de marde. Fête de surconsommation, d'hyperdécoration, d'accommodement raisonnable, de gras à profusion, de gaz à effet de shit. De célébration dans la boisson et dans l'illusion du pouvoir d'achat renouvelé. Ces cathédrales à grande surface sonnent leurs cloches à rabais affolants. Les Québécois siphonnent leur crédit en se promettant des belles résolutions pour la nouvelle année, en recommençant en bas de zéro, pendant qu'on se tape sa gueule pour avoir l'iPad gratuit en faisant la file dans Stoche, puis en écoutant l'album de Noël de Justin Bieber dans les speakers de centre d'achat. Des actionnaires déjà engraissés se tordent de rire et se payent la traite à Monaco ou à Atlantic City. C'est ça! Manger en double, occuper en double, occuper Wall Street, Walmart, Walt Disney, Wawanesa, peu importe, il faut célébrer le retour de l'extraterrestre Jésus, peu importe le prix. nothing in Jesus. The evidence called it Christmas time. To my senses, it seems like it will go to madness. Life didn't end in a craze of sonic tolerances for words. What a pleasure of glorious chaos and a hearing me on my senses. We'll be right back. Pellegrino! Mange la marde! On te dit en espagnol, mange un colis de champ de marde! Quelqu'un a dit: vous n'avez pas à devenir misérable pour célébrer le miracle du petit Jésus. Venez chez Home Depot, faites rénover votre esprit par Martha Stewart. Mon beau sapin, roi des forêts. $299. Wow, check ça! J'ai Rocky IV en Blu-ray. Il me manquait juste ça pour être heureux. Mon cœur est en paix d'avoir aidé un riche à prendre son pina colada sur une plage en Hawaï. Je vais pelleter, puis après ça, je vais pouvoir relaxer en écoutant le miracle de la 34e rue. Chaque bonne nouvelle nous en emmène une autre qui nous fait chier. Exemple, le Canadien congédie Jacques Martin, mais Nicole Martin a sort un album de Noël. John Bon Jovi nous quitte à l'âge de 49 ans, mais il ressuscite le lendemain. C'est un miracle.